le champion sound. Imagine. Oh, well, quand les rebelles viennent dans le champion sound. Imagine ça, sin. Dans le mercy. Dans le mercy. DJ Enough. Dans la cité ce soir on bat tout. Non, non, non, tu sais. Problème dans la ville, nous sommes bien contrôlés. Mais à au micro, les babes sont tous passés. Problème dans la ville, commence on bien jouer. Problème dans la cité ce soir on bat tout. Problème dans la ville, nous sommes bien contrôlés. Mais à au micro, les babes sont tous passés. Hey, écoute ça, mon son joue pour toi. Viens dans la tête, seul avec moi. Hey, hey, écoute ça, mon son tu peux voir. Ok, ok, on laisse plein. Hey, écoute ça, mon son joue pour toi. Viens dans la danse, seul avec moi. Hey, hey, écoute ça, mon son tu peux voir. Tous les autres, laisse plein. C'est la CIA, non, oh. Bienvenue à toi, fumeur de ganja. Mon son de la tête contrôle une fois de plus pour toi. Bienvenue à toi, reste la gamer. Qui est pas là pour dire que tu kiffes ce style-là. Ce sont les rebelles qui viennent pour prendre le micro. Tous nos DJ sont là pour remonter le niveau. À chaque fois qu'on vient, on donne un style différent. Ton doigt ne reste pas là, tu sais que tu perds ton temps. Tu croyais t'en sortir, désolé de te contredire. On t'a démasqué là, tu ferais mieux oui de fuir. Toujours de la partie quand on parle de compétition. One, voilà le son des gens tournant. C'est le ghetto, négro, dégaine ton gun, site grappe. C'est le ghetto, négro, dégaine ton gun, site grappe. C'est le ghetto, négro, dégaine ton gun, site grappe. Quelqu'un de ma clique aura toujours un plus gros glock. Les crews scannent, c'est nick, c'est toujours rien qui reste. Ni fils aime dans ta famille, famine, faillite et tristesse. J'ai toujours même crew, je vis toujours même trou. Porte devant, je garde mes mains propres, chien qui demande. Et s'il y a blême pro, le rap se trouve en bas de ma cité. J'ai pas à bouger beaucoup, tu connais mon frein, t'as déjà une corde au cou. Problème dans la ville, comme on sent bien jouer. Problème dans la cité, ce soir on bat tout. Problème dans la ville, nous sommes bien contrôlés. Et à un micro, les babes sont tous pareils. Écoute ça, mon son joue pour toi. Viens dans la tête, seul avec moi. Hey, hey, écoute ça, mon son tu peux voir. Tous les autres laisse plein. Bienvenue à toi, fumeur de ganja. Mon son de la tête contrôle une fois de plus. C'est ça, c'est ça, il m'en a. Bienvenue à toi, reste à gagner. Faut crier fire pour dire que tu kiffes ce style. Ça s'appelle caval, wow, c'est vraiment de la balle. Sur moi, tu paniques, mais tu cours pas plus vite que les balles. Ça s'appelle caval, why, mais t'as pas 100 balles. Sans toi, tu paniques, mais tu cours pas plus vite que les balles. Des fois, je suis lunatique et je me dis que le crime paye. Donc, je suis fille à chaque fois que je sors de Châtillon. Le faux gars et sa clique, nous le châtillon. Dur doit être la peine pour le boy bad, déguisé en bad boy. Vu qu'avec le gars, tu voyages jusqu'au stade et en plus sans prendre de l'avion. Toutefois, je prends pas le ticket. Pour arriver jusqu'à la maison, j'ai appris ce que c'est d'être un mauvais. Ils ont perdu la face. Ils savent très bien qu'ils sont les number one dans la place. Tu viens pour tester et puis tu te ramasses. Son boîte est dead, regarde, tu traînes ta carcasse. Les autres sont de tous perdu la face. Ils savent très bien qu'ils sont les number one dans la place. Tu viens pour tester et puis tu te ramasses. Son boîte est dead, regarde, tu traînes ta carcasse. Hey.